Néhémie chapitre 8. Or tout le peuple s'assembla, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, en la place qui était devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe, qu'il apporta le livre de la loi de Moïse, laquelle l'Éternel avait ordonné à Israël. Et ainsi, le premier jour du septième mois, Esdras le sacrificateur apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre, afin qu'on l'écoutât. Et il lut au livre, dans la place qui était devant la porte des eaux, depuis l'aube du jour jusqu'à midi, en la présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables d'entendre, et les oreilles de tout le peuple, étaient attentives à la lecture du livre de la loi. Ainsi Esdras le scribe se tint debout sur un lieu éminent, bâti de bois, qu'on avait dressé pour cela, et il avait auprès de lui Matidja, Sema, Anaja, Urija, Ilkija et Maaseja, à sa main droite. Et à sa gauche étaient Pédaja, Misaël, Malkija, Azom, Asbaduna, Zacharie et Mésulam. Et Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Puis Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen. En élevant leurs mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Aussi Jésua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabétaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azarja, Josaba, Anan, Pelaja, et les autres Lévites, faisaient comprendre la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place. Et ils lisaient au livre de la loi de Dieu, ils l'expliquaient, et en donnait l'intelligence, la faisant comprendre par l'écriture même. Or Néhémie, qui est à Tirsata, et Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est saint à l'Éternel, notre Dieu, ne menez point de deuil, et ne pleurez point. Car tout le peuple pleura dès qu'il eut entendu les paroles de la loi. Puis on leur dit, allez, mangez du plus gras, et buvez du plus doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est saint à notre Seigneur, ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites faisaient faire silence parmi tout le peuple, en disant, faites silence, car ce jour est saint, et ne vous attristez point. Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des présents, et pour faire une grande réjouissance, parce qu'ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Et le second jour du mois, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent vers Esdras le scribe, pour avoir l'intelligence des paroles de la loi. Ils trouvèrent donc écrit en la loi que l'Éternel, avait ordonné par le moyen de Moïse, que les enfants d'Israël demeurassent dans des tabernacles pendant la fête solennelle au septième mois. Ce qu'ils firent savoir et qu'ils publièrent par toute leur ville et à Jérusalem, en disant, allez sur la montagne, et apportez des rameaux d'olivier, et des rameaux d'autres arbres huileux, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux de bois branchu, afin de faire des tabernacles, selon ce qui est écrit. Le peuple donc alla sur la montagne, et ils apportèrent des rameaux, et se firent des tabernacles, chacun sur son toit, et dans les cours de leur maison, et dans les parvis de la maison de Dieu, et à la place de la porte des eaux, et à la place de la porte d'Ephraïm. Et ainsi toute l'assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des tabernacles, et ils se tinrent dans les tabernacles. Or les enfants d'Israël n'en avaient point fait de tel, depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, et il y eut une fort grande joie. Et on lut au livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ainsi on célébra la fête solennelle pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, comme il était ordonné.